mes suggestions sur Facebook. Alors, depuis le moment où je me suis doté d'une page Facebook, je mets une fois de temps en temps des suggestions. Ça peut être par rapport à des vidéos, ça peut être aussi à l'égard de textes que je propose aux gens de lire. Donc, ça peut être des choses que je produis, mais également par rapport à d'autres personnes que je trouve intéressantes. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que mon compte Facebook est en lien avec ma volonté de diffuser des choses qui me correspondent. Donc, c'est pas nécessairement associé au supramental comme promulgué par Bernard de Montréal, bien que j'ai apprécié beaucoup cet individu. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas au service de la diffusion du supramental. Je vise à exprimer d'abord mon individualité pour pas être pris dans la même situation que Sacha 2.0. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller sur mon compte Facebook. J'ai mis une vidéo en ligne. Alors, Sacha, ce qui est particulier, c'est que c'est une femme et elle est lesbienne. Et dans le fond, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait, elle a fait pendant un bon bout de temps des vidéos pour faire la promotion des gens issus de la communauté LGBT, c'est-à-dire lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Donc, c'est sûr que c'est une cause qui est intéressante. Puis le fait qu'elle diffuse des vidéos dans ce sens-là, ben ça aide à faire la promotion. Mais la problématique auquel elle a été confrontée, c'est que de vouloir être au service d'une communauté comme celle des gens qui vivent une orientation sexuelle qui diverge de la majorité, faisant en sorte qu'elle devenait à ce moment-là au service d'une cause. Et quelque part dans l'enregistrement vidéo que j'ai mis en ligne, où ce qui s'intitule « J'arrête YouTube, j'arrête le LGBT, je réponds enfin », c'est qu'elle explique que ça lui a occasionné une forme de lourdeur et d'être au service d'une cause au lieu de tout simplement faire des choses que ça lui tente. Et surtout que, dans le fond, il y avait des gens de la communauté LGBT qui l'ont critiqué, donc qui appréciaient même pas nécessairement le travail qu'elle faisait en vue de faire leur promotion. Donc, c'est ça qui m'a amené à réaliser que je ne suis pas, à la même titre qu'elle, que je ne suis pas intéressé d'être au service du supramental. Je ne suis pas intéressé d'être un automate ou un pion de l'agenda supramental sur Terre. Je suis tout simplement intéressé à m'émanciper individuellement sur le plan psychique. Et ce qu'il faut comprendre, ben, ce que je fais individuellement, ça me correspond à moi. C'est sûr que si je mets par exemple une vidéo de rock heavy metal avec le groupe L7 Grunge qui va jouer la chanson We'll Pretend We're Dead parce que moi ça me fait vibrer, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire ah, c'est pas supramental, c'est pas prépersonnel dans l'approche. Ben oui, c'est sûr que c'est pas nécessairement supramental parce que à quelque part, c'est de la musique qui m'intéresse moi personnellement et c'est sûr que je suis tellement heureux d'avoir intitulé ma chaîne Facebook David Lévesque Conscience Libre parce que à ce moment-là, ça me permet de prendre une distance par rapport au supramental et aussi l'intérêt spiritualisé que je pouvais avoir à l'égard du supramental, dans le sens que dans le passé, je visais à faire la promotion du supramental en faisant des entrevues avec des individus, des enregistrements en solo. Ça, c'est un aspect de moi-même, mais c'est pas tout moi-même parce que il y a une partie de moi qui aime écouter de la musique variée. Et c'est sûr qu'il y a sans doute des gens de haute spiritualité qui croient être dans la conscience, qui vont se sentir offusqués par rapport à certaines musiques de type heavy metal que je peux suggérer sur ma chaîne Facebook. Et à ces gens qui peuvent avoir la croyance d'être libres de la forme, ben, s'ils sont libres de la forme, pourquoi ils se sentent offusqués par ça? Donc, c'est sûr qu'il y a des musiques de différentes vibrations. Et par rapport à la mise en ligne d'une vidéo de L7, qui est un groupe rock assez, j'allais dire endiablé, mais avec une vibration assez forte. Donc, c'est un groupe constitué de filles qui font éclater en morceaux les formes que sont les stéréotypes socio-historiques traditionnels associés aux femmes. Et en faisant ça avec une musique qui va canaliser l'énergie de la colère et de la rébellion avec une puissance pour contester les moules, les formes et codes vestimentaires établis traditionnels par la société. Donc, c'est ce qui je trouve ça intéressant chez elle. Et c'est sûr que peut-être qu'il y a des gens qui sont marqués par le bon goût en matière d'art, vont se sentir offusqués par cette proposition musicale et voir une forme de décadence. Mais en même temps, si les gens sont pas capables de s'ouvrir à composer avec la puissance de l'énergie de la colère ou du négatif, ils se privent d'une bonne partie de la réalité parce que, à quelque part, si les gens veulent juste entendre de la petite musique douce, de la petite musique calme, avec des sons d'harpe, en imaginant qu'il y a des anges dans les cieux qui sont là pour les bercer, les dorloter, ben, ils se mettent des lumières roses, puis ils sont pas capables de composer avec les négatifs, puis utiliser l'énergie négative pour se propulser dans le réel. Tandis que quand on vise à développer une conscience intégrale, on utilise toutes les formes d'énergie. Autant la musique classique, la musique rose, que la musique heavy metal, que la musique punk. Donc ça, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais moi, pour moi, ça me donne des résultats. Je vais vous donner un exemple concret. Quand que je vais m'entraîner au gym, si je veux avoir du rendement, quand que je soulève des poids et haltères ou je fais des activités d'elliptique, eh bien, à ce moment-là, je vais écouter de la musique comme L7. Je vais écouter du Rammstein. Je vais écouter de la musique comme Nirvana, pour avoir une intensité qui va me soutenir à faire, par exemple, des mouvements répétitifs, à soulever des poids et haltères, à faire des activités à caractère cardiovasculaire. Donc, dans cette fonction-là, pour m'activer physiquement, c'est sûr que si je veux me détendre avant de me coucher, il est possible que j'écoute de la musique douce, comme par exemple du Patrick Bernard, de la musique de Pink Floyd, ou si j'ai un repas romantique en compagnie d'une personne agréable, c'est sûr que je vais avoir envie qu'il y ait de la musique d'ambiance. Ça peut être du jazz, bossa nova. Ça peut être également de la musique classique. Donc, chaque chose a sa place et il faut être capable d'utiliser les différentes formes musicales pour générer un support à ce qu'on vit et une amplification d'une vibration qui est utile dans le moment présent. Donc, c'est sûr que si je veux m'entraîner, ça me prend de l'énergie densifiée que peut générer certains musiciens rock comme support au mouvement d'intensité. Alors que si je fais du yoga, ben là, c'est plus approprié de la musique calme. Et chaque musique a sa fonction. Mais à mon avis, si on vit un processus d'évolution de conscience, il faut être capable de composer avec les différents types de musique, autant la musique que certains vont qualifier de blanche, de douce. Et aussi l'énergie négative, la musique noire, mais en n'étant pas soumise à la musique ou aux individus qui la composent, qui peuvent être astralisés autant positivement que négativement. Il faut être capable de transcender les polarités, puis de jouer avec les polarités au service de notre être, dans le sens que si à un moment donné, on a besoin de se détendre, on écoute de la musique douce. Si on a besoin de s'activer, on écoute de la musique heavy metal. Donc la musique doit être à notre service au lieu d'être soumise à un agenda moral, un agenda religieux, un agenda éthique qu'on peut vouloir mettre en relation avec le supramental, alors que le supramental n'est pas une doctrine, c'est la manifestation d'une énergie à travers soi. Et si le support qui favorise l'extériorisation de cette énergie passe par de la musique heavy metal, mais que voulez-vous? C'est ce qui compte, c'est le résultat. Donc moi, si j'ai du résultat par rapport à ce que j'ai à faire en écoutant de la musique heavy metal, ben, je vais en écouter. Me priverai pas. Parce que, à sens ça, si on se prive en fonction d'un agenda associé à une éthique, à une religion, ben, on est soumis à la forme, alors qu'il faut être libre de la forme. Et ça, c'est particulier. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent me dire, ben, dans la musique heavy metal, il peut y avoir l'expression de force satanique, de force du bas astral. Bien entendu. Mais si j'écoute ça puis je suis libre de la forme, je me laisserai pas piéger par ça. Et je vais pouvoir utiliser la propulsion énergétique qui est générée par la musique pour aller plus loin. Au même titre que quelqu'un, par exemple, qui est fasciné par la musique de haute spiritualité, peut vouloir tomber dans une forme d'angélisme. Donc, il peut se soumettre à des étiquettes, puis en réalité, ça va le rendre plus mou. Alors que si on écoute de la musique heavy metal, ça peut nous rendre plus ferme. Mais il faut trouver l'équilibre par rapport à soi, selon ce qu'on a besoin. Puis chaque musique a une fonction. Et c'est ce qui est intéressant d'étudier. Donc voilà mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est sûr que si on me pose la question, est-ce que des musiciens heavy metal du domaine de heavy metal sont astralisés? Certainement. Par contre, est-ce que ça va m'empêcher d'écouter de l'heavy metal? Non. C'est ainsi. Sinon, par rapport à Facebook, ben, c'est sûr que j'ai mis en ligne là, un article là, qui porte sur les divergents que j'ai rédigé récemment. J'ai mis aussi en ligne eh bien, un article en lien avec la sexualité involutive et évolutive. Et puis, je fais différentes propositions, dont notamment l'écoute de la vidéo qu'a produit Lisandre Nadeau sur l'orgasme féminin. Je la trouve intéressante. Donc, c'est une YouTubeuse québécoise qui est très populaire. Elle donne un conseil par rapport au vécu de l'orgasme. Donc, dans mon cas, j'apprécie la grande franchise avec laquelle elle parle et sa simplicité. Bien entendu, les gens n'ont pas besoin de faire des études poussées en matière de sexologie à l'université sanctionnée par le collectif et d'avoir mémorisé pendant plusieurs années un paquet de formes pour pouvoir parler d'orgasme. Ils n'ont qu'à oser le faire en manifestant leur individualité. Voilà ce que j'ai écrit sur ma page Facebook, parce qu'en réalité, par rapport à n'importe quel sujet, que l'individu soit très scolarisé, qu'il ne soit pas scolarisé, s'il a la capacité de canaliser sa vibration puis d'extérioriser, il peut dire des choses intelligentes et pertinentes par rapport à n'importe quoi. Il faut sortir de la forme des moules associés à l'autorité intellectuelle, des universités, des scientifiques. Non, il faut aller au-delà de ça. Il faut sortir de la soumission à la dictée des points de vue venant de la part de spécialistes et d'érudits pour se donner l'opportunité soi-même de manifester sa parole dans la simplicité, dans l'authenticité. Et c'est ça que j'apprécie à travers elle. Bien entendu, elle n'a pas nécessairement un vocabulaire très sophistiqué pour parler d'orgasme, mais elle est tellement sincère lorsqu'elle fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager cette vidéo. Sinon, j'ai partagé aussi une vidéo sur mon compte Facebook en lien avec la bande-annonce associée à la série sur Netflix que j'écoute ces temps-ci qui s'intitule « Atypique ». Alors, elle présente l'histoire avec humour d'un jeune garçon atteint d'autisme et ça nous permet de saisir de façon particulière comment qu'il voit le monde. Et aussi, ça nous permet de prendre contact avec son fonctionnement neurologique atypique et son individualité qui nous donne un point de vue particulier sur la réalité originale. Donc, c'est sûr que c'est particulier comment que lui, il voit le monde puis son rapport aux filles. Et c'est sûr que ça tourne alentour de ça parce que lui, il a un fonctionnement psychique atypique. Puis son objectif, parce qu'il est rendu à 18 ans, c'est d'avoir une compagne. Mais comment qu'il va approcher les filles? Comment qu'il va se comporter avec eux autres? Et c'est ces enjeux-là qui concernent le personnage principal. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça nous amène à être en contact avec un des aspects des divergences sur Terre présentement. Donc, il y a à la surface du globe des individus qui ont un fonctionnement neurologique qui diverge de la majorité. Et puis, sinon, ben, c'est sûr que j'ai mis des extraits vidéo sur ma chaîne YouTube de Bernard de Montréal avec intérêt, dont l'un où ce qu'on voit Bernard de Montréal faire un mini-séminaire devant un tableau vert. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Phil Hype qui m'a écrit « Moi, si je retourne à l'école s'il y a des profs comme lui. » Bien, c'est sûr que de le voir faire son mini-séminaire un peu comme un professeur devant un tableau, parce que là, il utilise la craie, donc c'est très standard, ça donnerait le goût d'aller à l'école. Mais la problématique, c'est que les professeurs, présentement, à l'époque actuelle où ce que je vous parle, c'est pas des gens qui font une canalisation vibratoire puis qui nous permet de bénéficier du dynamisme, du feu interne qui est généré à travers leurs paroles, à la différence de Bernard de Montréal. Donc, les professeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent des formes. Donc, ils amènent des élèves à mémoriser des formes au lieu de générer du nouveau à travers la parole exprimée créativement. Fait que c'est sûr que c'est lourd. Pourquoi c'est lourd, les professeurs? Puis pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'endorment dans les classes? Parce que ça ne nous dynamise pas au niveau du psychique. On fait répéter des formes qui existent déjà. Tandis que ce qui va dynamiser le psychisme d'un élève en voie de développement, eh bien, c'est de voir quelqu'un qui vibre sur le plan mental pour l'amener lui-même à vibrer mental et l'amener à réaliser qu'il a peut-être la potentialité lui-même de générer un savoir créatif à travers sa parole. C'est tout simplement ça. Parce que dans l'involution, faut enseigner des formes à des élèves qui les répètent, qui les mémorisent, puis on fait des tests pour vérifier s'ils ont accumulé. Ça, c'est un fonctionnement qui s'adresse à l'âme. Mais quand on entre dans l'âge de l'esprit, quand on entre dans l'âge de la conscience nouvelle, ce fonctionnement est désuet. Il faut plutôt aider l'élève à canaliser adéquatement l'énergie de l'esprit, à manifester un discernement psychique qui est total pour ne pas se faire manipuler par l'astral, ce qui est très, très différent. Et ben là-dessus, c'est ça. Je vous invite à regarder la vidéo. C'est sûr qu'il y a différentes choses que j'ai publiées, dont notamment une suggestion pour écouter la chaîne YouTube de diffusion BDM Intel. Donc, c'est une chaîne qui présente de nombreuses vidéos de Bernard de Montréal pour découvrir cet individu qui a été marquant dans le domaine de la conscience supramentale. Mais en même temps, sur ma chaîne Facebook, je propose aux gens aussi d'écouter une vidéo du philosophe jovialiste André Moreau. Elle s'intitule « Philosophe fou ou génial? André Moreau ». Alors, c'est une vidéo que je trouve intéressante parce qu'elle fait la présentation de ce philosophe jovialiste québécois, donc pour les gens qui ne le connaissent pas, et ça donne l'occasion de le découvrir. André Moreau, c'est quelqu'un qui n'a pas décidé de vivre le couple monogame, qui est une forme limitative et traditionnelle, pour générer créativement une forme inédite, ajustée à son individualité, soit le partnership amoureux polyérotique. Je trouve personnellement intéressant son audace créative consistant à générer de ce qu'il a besoin plutôt que de vivre en fonction des formes conventionnelles proposées par la société. Donc ça, je trouve ça intéressant. Quelqu'un qui a l'audace d'amener quelque chose de nouveau, donc une forme qui lui convient au lieu de se soumettre aux formes existantes. Donc c'est un mouvement créatif que je souligne. Donc, si vous voulez le découvrir, ben c'est sûr que c'est un auteur prolifique, il a fait au-dessus d'une centaine de livres. Bien entendu, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve ça intéressant, ce qu'il a fait. Au même titre qu'aujourd'hui, on assiste à des YouTubeurs et YouTubeuses qui sont en train, en faisant des vidéos sur Internet, amener des nouvelles idées. Donc, c'est sûr que si je pense à Sacha 2.0, qui va faire la promotion de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, on n'aurait pas vu ça il y a 30 ans ou 60 ans, encore moins il y a 100 ans. Donc, c'est nouveau. Fait que c'est sûr que je suis solidaire de ces mouvements-là parce que ça va favoriser l'éclatement des stéréotypes sexuels traditionnels. Donc, faire éclater des formes pour donner aux individus la possibilité d'individualiser leur rapport à la sexualité selon leur sensibilité. Donc, si quelqu'un il a la vibration d'être un transgenre, moi, j'ai aucun problème avec ça. S'il est homosexuel, il est homosexuel. S'il est bisexuel, il est bisexuel. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Et mon discours se veut global. Donc, je m'adresse autant à l'individu hétérosexuel que bisexuel, que transgenre, peu importe son orientation sexuelle, parce que, à quelque part, c'est des formes. Et il faut aller au-delà de ça pour toucher à l'individualité puis se libérer de toute forme de préjugés par rapport à ce qui ne fait pas partie du conventionnel. Sinon, je voulais vous parler aussi de la vidéo que j'ai mise sur mon compte Facebook de Serge Tankian, qui s'intitule « Lai, lai, lai ». Donc, c'est une vidéo que je trouve intéressante parce que, Serge Tankian, c'est quelqu'un qui a fait une carrière solo en plus d'être un chanteur du groupe rock américain System of a Down. Donc son nom c'est lié aux consonances arméniennes étant donné qu'il y a de la famille en Arbédie. Et Serge Tankian, sa particularité c'est qu'il crée un mélange de musique classique qu'on peut associer au subtil et de musique heavy metal, donc la densité, la matérialité, ce qui donne un résultat en faisant la synthèse des deux, que je trouve extrêmement intéressant. Parce que ça peut évoquer quelque part l'harmonie des polarités du yin et du yang, ou l'union de l'esprit avec la matière, pour donner l'individu nouveau qui a intégré une conscience vibratoire et créative tout en maîtrisant la vie dans le corps physique et étant capable de composer avec les oppositions sur le plan physique. Donc, de voir ce mélange-là de musique classique et heavy metal, en particulier dans la chanson « Lai, lai, lai », Moi, je pense que ça vaut la peine d'être découvert parce que ça fait une forme d'harmonisation des polarités. Sinon, par rapport à Facebook, ce que je pouvais rajouter, bien, c'est sûr que je suis présent. J'ai fait un post d'ailleurs à ce sujet-là sur SoundCloud. Donc, SoundCloud.com, où vous pouvez retrouver certains de mes enregistrements qui sont là. Sinon, je voulais vous dire aussi que j'ai fait un envoi d'un message parce que j'ai écouté récemment une entrevue du métaphysicien et ufologue Jean Cazot qui porte sur la sortie de son dernier livre qui s'intitule Les religions, c'est assez et Dieu est parfaitement d'accord. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant par rapport à Jean Cazot, c'est de voir la force vibratoire qu'il a pour contester les croyances religieuses et sa volonté affirmée d'en être libre. Donc, c'est une entrevue qui a eu cours sur Zone Parallèle, l'émission du 13 octobre 2018, donc sur CJMD 96,9 FM. Et c'est à partir d'à peu près 37 minutes du début que vous pouvez entendre Jean Cazot. Et sa particularité, c'est son positionnement. C'est-à-dire que Jean Cazot n'est pas un théiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va adhérer à une religion organisée en lien avec Dieu, où il y a des intermédiaires comme des prêtres. Il se qualifie plutôt de déiste. Donc, quelqu'un qui a un rapport individualisé avec Dieu, à ne pas confondre avec athéiste. Athéiste, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Donc, Jean Cazot va croire en Dieu, mais dans un rapport individualisé, ce qui est très proche de ma position en passant. Sauf qu'au lieu de parler de Dieu, je vais parler de l'esprit pour enlever la couleur religieuse. Mais au lieu de parler de croyance, je vais plutôt parler de savoir. Donc, autrement dit, si je suis capable de canaliser l'esprit, je suis capable de savoir qu'il existe. Et si je suis capable de le canaliser individuellement, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de structures religieuses puis d'intermédiaires que sont les prêtres pour être en contact avec lui, parce que je suis déjà en contact avec l'esprit. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Donc, les intermédiaires, à ce moment-là, deviennent inutiles. Donc, à ce moment-là, si on est capable d'être en contact directement avec la source, on n'a pas besoin de religion pour nous dire quoi faire. Donc, c'est sûr que le point de vue de Jean Cazot est très intéressant parce qu'il favorise l'émancipation psychique individuelle et de réaliser que l'individu peut être en contact direct avec ce que certains appellent Dieu, le divin ou l'esprit. Et c'est là que l'individu doit en venir éventuellement pour être libre dans sa vie et être bien dans sa peau. Parce que tant qu'il s'imagine que d'autres êtres humains vont lui dire quoi faire pour être bien dans sa peau, des intermédiaires avec le divin, ben là, il peut en souffrir. Alors que s'il travaille à partir d'un contact direct entre lui et la source, ben à ce moment-là, il est libre. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, là, j'ai fait pas mal le tour des différents envois que j'ai faits récemment. C'est sûr que pour les gens qui sont intéressés à faire le suivi à l'égard de ce que je trouve intéressant, ben, c'est sûr que vous pouvez vous abonner là, à ma page Facebook, là, bien entendu, là, si ce n'est pas déjà fait, soit au nom de David Lévesque, Conscience libre. Et là-dessus, bien, je vous dis à bientôt et au revoir.